La poussière danse dans la lumière. Les bouteilles chantent comme des prières. Un vieux cow-boy au souffle rauque traverse l'ombre, son regard se décroche. Chaque rayon semble un duel ancien. Chaque conserve brille comme un destin. Un flingue posé derrière le comptoir. Rider's Kill chante l'écho du soir. Le whisky coule comme un ruisseau brun. Les fantômes dansent sous le clair-obscur. Chaque mur tremble, histoire passée. Et sa voix grave vient les réveiller. Un cri perdu traverse le décor. La nuit s'installe comme un manteau froid. Mais le cowboy chante plus fort sa loi. Le bayou souffle dans chaque rayon. La lune éclaire ses cicatrices profondes. Un vieux chapeau, un passant détour. Il chante sa route sans retour. Whiskey and chaque regard cache un duel sanglant. Le vieux Rider's Kill boit et sourit. Sa voix rauque fend la nuit. Les fantômes des plaines marchent à ses côtés. Le désert chante, les murs sont sculptés. Chaque mot tombe comme un marteau lourd. Son chant résonne jusqu'au petit jour. Un rayon craque, la poussière s'élève. Chaque pas sonne comme une trêve. Mais l'ombre du phare ouest veille encore. Et son chant devient plus fort. Les bouteilles brillent comme des lanternes. Les yeux du cowboy brûlent d'éternel. Rider's Kill marche, son fusil en main, et chante l'écho du destin. Whiskey and dust. De sang, chaque étagère un écho tremblant. Mais il avance, le souffle court, son chant rauque brûle l'amour. Le salon dort, mais sa voix réveille. Chaque bouteille résonne, chaque oreille. Un vieux cowboy debout dans la nuit. Raiders Kill chante son infini. Sous le plafond de bois craquant, il chante encore, il chante longtemps. Et quand le soleil viendra demain, sa voix flottera dans le matin.